رحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، hier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié شروط الصحة، les conditions d'authenticité du jeûne du mois de Ramadan. Quelles sont les choses, dès lors qu'elles sont réunies, la personne est considérée comme ayant mis en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'islam, le fait d'être musulman, l'aql, le fait d'avoir la raison, التمييز, atteindre l'âge du discernement, inqita'u damil haydi wa nifas, l'interruption et l'arrêt total du sang des menstrues ou des lochis, et tabiyyatu niyya min al-layl, et le fait de mettre l'intention avant le fajr, le fait de mettre l'intention avant le fajr. Une remarque importante, je la cite et je la répète, concernant ceux qui ont la maladie du waswas, puisse Allah Azza wa Jal nous en prémunir, nous en préserver et les guérir, c'est qu'ils exagèrent au sujet de l'intention et ont des doutes quant à leur intention. Bien qu'ils ne fassent aucun doute qu'ils ont déjà mis l'intention lorsqu'il met son réveil, lorsqu'il se lève plus tôt, lorsqu'il mange, tout cela n'est que des suites de l'intention mise. Il y a juste une distinction à faire entre deux questions religieuses. C'est le jugement de celui qui dit « je vais couper mon jeûne » et de celui qui rompt son jeûne sur le coup. Celui qui coupe son intention, qui est déterminé et dit « j'arrête mon jeûne », celui-ci a rompu son jeûne de par son intention. Quant à celui qui dit « je vais couper mon jeûne », celui qui dit « je vais couper mon jeûne », donc il rattache cette chose-là au futur. Dans ce cas-là, tant qu'il n'a pas commis un acte annulant son jeûne, il n'aura pas annulé son jeûne. Il y a juste cette distinction qu'il faut faire. Passons maintenant au sujet du jour, « wajibat » ou « as-siyam », les obligations du jeûne, les obligations du jeûne du mois de Ramadan. La personne qui jeûne doit respecter des conditions mais également des obligations. Parmi ces obligations, il y a al-imsaku 'anil mufattirat. Al-imsaku 'anil mufattirat min tulu' al-fajr as-sadiq. Min tulu' al-fajr as-sadiq ila an yatahaqqaqa غروب الشمس. La première obligation est le fait de s'abstenir, de commettre toute chose annulant le jeûne de la personne. Et cela dans un temps déterminé, à savoir de l'apparition du fajr, de l'aube, et cela jusqu'à avoir la certitude que le soleil s'est bien couché. Ça, c'est la première obligation dans le jeûne. S'abstenir de manger, de boire et de faire tout ce qui peut annuler le jeûne durant ce temps déterminé, à savoir l'apparition du fajr jusqu'à avoir la certitude que le soleil s'est bien couché. Pour preuve, dans sourate Al-Baqarah, قَالَ اللَّهُ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. C'est-à-dire, vous avez la permission de manger, la permission de boire, jusqu'à atteindre le fajr. Jusqu'à atteindre le fajr. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Puis, poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire le coucher du soleil. Également dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. Que le أذان de Bilal ne vous empêche pas de prendre le repas de la fin de la nuit. Que le أذان de Bilal ne vous empêche pas de prendre le repas de la nuit. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et la base est dans le recueil de Bukhari et Muslim. Selon Aïcha radiallahu anha, inna bilalan kana yu'adhinu bilayl, billayl. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kulu wa shrabu, hatta yu'adhina ibn Ummi Maktoum, fa innahu la yu'adhin hatta yatlu' al-fajr. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aïcha radiallahu anha rapporte que Bilal faisait l'adhan de nuit, pour réveiller les gens, pour qu'ils prient la nuit, pour les avertir que le fajr c'est bientôt, pour que ceux qui veulent jeûner puissent manger, et ainsi de suite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Et ce dernier ne le faisait qu'une fois que le fajr arrivait. Donc, la personne a l'obligation de cesser les annulatifs du jeûne par l'un de deux signes. Le premier, mushahadatul fajr, c'est le fait de voir le fajr. Le deuxième, sama'ul mu'adhin, al-thiqa alladhi yu'adhinu fil waqt. Le deuxième signe est le fait d'entendre le adhan du mu'adhin fiable qui fait l'adhan à l'heure. Car certains, par précaution par exemple, font l'adhan en avance. Donc si la personne fait l'adhan à l'heure, nous avons l'obligation de cesser les annulatifs du jeûne. De cesser les annulatifs du jeûne. Il y a le hadith de Omar ibn Khattab. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا أي من المغرب وغربت الشمس أفطر الصائم. L'imam al-Bukhari Muslim nous rapporte que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit si la nuit arrive de ce côté-là, de l'Orient, et que le jour s'estompe de ce côté-là, c'est-à-dire de l'Occident, ou le contraire, le soleil, et que le soleil s'est couché, certes, les jeûneurs ont rompu. Certes, les jeûneurs ont rompu. Donc, si la nuit arrive de ce côté-là, et que le jour s'estompe de ce côté-là, et que le soleil se couche. Ces trois signes-là, en réalité, sont en lien direct. Lorsque l'un vient, les autres suivent, les autres l'accompagnent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela pour repousser toute incertitude. Il se peut qu'un nuage empêche la clarté du soleil, par exemple, du jour, alors la personne va penser qu'elle a la permission de rompre son jeûne. Non, il faut qu'il y ait les autres signes pour être sûr que c'est dû au coucher du soleil. Une remarque ici, certains pensent que ce qui permet de rompre son jeûne est la disparition totale des lueurs et du jour. Non, ce qui permet de rompre le jeûne et le simple fait que le soleil se couche, le disque solaire. Dès lors qu'il s'est couché, nous avons la permission de rompre notre jeûne, même s'il reste des lueurs. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage dans le mois de Ramadan, durant le mois de Ramadan. Donc c'était Mada. C'est le hadith de Abdullah ibn Abi Awfa, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et c'était l'année de l'ouverture de la Mecque, Am al-Fath. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le soleil s'est couché, lui a dit, « Anzil, fajdah lana, descends et prépare-nous de quoi rompre le jeûne. » Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhu, a dit au messager d'Allah, « Law amsayta ya Rasulallah. » Si tu attendais un peu plus la nuit au messager d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a réitéré la demande. Abdullah ibn Awfa a répété la même chose. Au final, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, yani a rompu son jeûne et lui a dit, Ida gharabati shams, ou lui a dit, lama gharabati shams, lorsque le soleil s'est couché, il lui a dit, Ida ra'aytumul layl, Ida ra'aytumul layl, wa akbala منها هنا وأقبل أو ماذا إذا رأيتم الليل فقد أفطر الصائم إذا رأيتم الليل فقد أفطر الصائم. Lorsque vous voyez la nuit, certes le jeûneur a rompu. Certes le jeûneur a rompu. Ainsi, ce qui compte, c'est le coucher du soleil, non pas le reste. La deuxième obligation, istishabu niyya hatta ghurub ash-shams, c'est le fait d'accompagner cette intention jusqu'au coucher du soleil. Que signifie cela? C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de rompre cette intention, le fait de couper, de mettre l'intention de cesser de jeûner. Et non pas, l'obligation n'est pas de s'en rappeler. Ça, c'est recommander, ça n'est pas obligatoire. Mais le fait de ne pas la rompre, ceci est l'obligation. Troisièmement, wujubu ikhraj ma fil fam liman aftara nasiyan fadhukkir aw amidan bighayri uzr. L'obligation de rejeter ce que nous avons mis dans notre bouche si nous le faisons alors que nous sommes en état de jeûne, par oubli. Suite au rappel, si on se rappelle ou si on nous fait le rappel, nous avons l'obligation de rejeter ce que nous avons dans la bouche. Je ne parle pas de se faire vomir, mais ce qu'entendent les savants par cela, c'est de sortir ce qu'il y a dans la bouche. Celui qui voit une personne dans la journée de Ramadan, qu'il suppose en état de jeûne, manger ou boire, il se doit de lui faire le rappel. Puis il a une excuse, mais non, on lui fait le rappel. Et ce dernier se doit de sortir ce qu'il y a dans la bouche. Et son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Par contre, s'il persiste et mange, à ce moment-là, il aura annulé son jeûne volontairement. Pareillement pour celui qui a mangé et bu volontairement. Il n'a pas la permission pour autant de manger le reste de la journée. Il est dans un péché gravissime et il se doit de poursuivre cela jusqu'au Maghrib. Entre dans cette obligation celui qui se convertit à l'islam durant la journée de Ramadan. Il doit commencer son jeûne à ce moment-là, le poursuivre jusqu'au Maghrib et il n'aura pas rattrapé ce jour. Pareillement pour celui qui atteint la puberté durant la journée du mois de Ramadan. S'il voit l'un des signes de la puberté, il doit entamer ce jour de jeûne. La quatrième obligation du jeûne, c'est une obligation qui touche particulièrement ceux qui sont beaucoup tentés par leurs épouses et craignent de commettre l'annulatif du jeûne avec la femme. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليماني رحمه الله تعالى أدي دون سا رسالة سور لو جون: يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته إذا خشى الوقوع في الحرام. Il est obligatoire pour le jeûneur de s'éloigner de son épouse s'il craint de tomber dans l'interdit. S'il craint de tomber dans l'interdit. Cinquièmement, تارك قول الزور والعمل به والجهل والمحرمات. L'obligation de délaisser les mensonges, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, les transgressions et les choses interdites de manière générale. Car le but du jeûne est de concrétiser la piété. Et elle ne se concrétise qu'en délaissant les choses interdites. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Man lam yada' qawla zour wal amala bih wal jahl فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. » L'imam al-Bukhari nous rapporte qu'Abu Huraira radiallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères ou les mauvaises paroles, ainsi que les mauvaises actions et les transgressions, Allah n'a que faire de qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Sixièmement, et ça, c'est un point particulier qui est soulevé et souligné par les gens de science, c'est que nous avons l'obligation d'aimer le jeûne du mois de Ramadan, car c'est une législation qui a été révélée et légiférée par Allah, le Seigneur des mondes, le savant, le sage. Ainsi, le musulman, le croyant, aime le mois de Ramadan, aime le jeûne du mois de Ramadan, car c'est une adoration légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons de l'aimer. Nous devons de l'aimer. Et certes, elle peut unir d'un point de vue cet amour et d'un autre point de vue la difficulté de délaisser ce qui est aimé par l'âme. Mais on agrée cette adoration, on agrée Allah subhanahu wa ta'ala et sa législation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Suratu Muhammad: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Ceci car ils ont eu de l'aversion envers ce qu'Allah a fait descendre ou a révélé. Ainsi, leurs œuvres furent annulées. Après avoir mentionné ces obligations, voyons maintenant مستحبات الصيام. Quelles sont les choses recommandées durant le jeûne de Ramadan ou durant le mois de Ramadan? Quelles sont les choses recommandées durant le mois de Ramadan ou en relation avec le jeûne du mois de Ramadan? Premièrement, as-sahur, c'est-à-dire le repas de la fin de la nuit. Le sahar, c'est ce temps-là. As-sahur, c'est le repas qui est pris dans ce temps-là, dans ce moment-là. Et as-suhur, c'est la nourriture. Ou as-sahur, c'est la nourriture. As-sahar, c'est le temps. As-sahar, c'est le moment. As-suhur, c'est l'action. C'est l'action. As-sahur, c'est la chose elle-même. Comme al-wudu, c'est l'action de faire al-wudu, ses ablutions. Al-wadu, c'est l'eau utilisée. C'est l'eau utilisée. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit: prenez le repas de la fin de la nuit, car il y a dans celui-ci une bénédiction. Une bénédiction. Donc ça, c'est une grande sunna. Et il y a le consensus des savants quant au fait que ce soit une sunna non obligatoire. Comme l'a dit Ibn al-Mundhiri, Ibn Hajar, al-Nawawi, rahimahumullah. Prenez ce repas-là, c'est une bénédiction. C'est une grande sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Amr ibn al-As, écoutez bien ce récit pour qu'on voit comment les compagnons accordaient importance à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et l'immensifiaient. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, disait à sa famille de lui préparer le repas du matin, ni de la fin de la nuit. Puis il mangeait que très peu. Alors il lui disait, tu nous demandes de préparer et tu touches à peine ton assiette. Amr ibn al-As radiallahu anhu disait, il en est ainsi, car j'ai entendu, yani, je n'ai pas faim. Mais je vous dis cela, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, فَضْلُ مَا بَيْنَا صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. La distinction et la suprématie de notre jeûne face au jeûne des gens du livre est le repas de la fin de la nuit. Subhanallah. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Abdullah ibn Amr, ou plutôt Amr ibn As, radiallahu anhu, faisait cela que pour atteindre la sunna. Que pour atteindre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Se distinguer des gens du livre. Deuxièmement, aklu tamr fi sahur. Deuxièmement, le fait d'avoir dans le repas de la fin de la nuit des dattes qu'on trouve parmi ce que tu manges le matin ou à la fin de la nuit, des dattes. Naam, des dattes. Car Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ni'ma sahurul mu'mini tamr. Quel bon repas à la fin de la nuit pour le croyant que les dattes. Et ce hadith rapporté par Abu Daoud, rahimahullahu ta'ala. C'est donc une sunna de manger, avant de commencer son jour de jeûne, des dattes. C'est une sunna de manger des dattes. Troisièmement, ta'khir al-sahur, le fait de retarder le repas de la fin de la nuit. Le fait de retarder le repas de la fin de la nuit. Fait de ne pas le prendre au milieu de la nuit, trop tôt, non, mais de le retarder. Ceci est une sunna. Quatrièmement, ta'dil al-fitr, mata tahaqqaqa ghurub al-shams, le fait de s'empresser de rompre le jeûne, une fois la certitude du coucher du soleil. Une fois la certitude du coucher du soleil. Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien, tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Rapporté par l'imam Bukhari, l'imam muslim. Anas ibn Malik rapporte que Zayd ibn Thabit, radiallahu anhuma, a dit, Tasaharna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pris le repas de la fin de la nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik l'a questionné. Et là, on voit comment est-ce que les compagnons étaient motivés dans la recherche, dans la connaissance de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le jeûne, dans l'apprentissage de cela, dans le questionnement au sujet de cela. Anas ibn Malik a demandé à Thabit, ou à Zayd ibn Thabit, radiallahu an, Kam kana bayn al-adhan? Kam kana bayn al-adhan wa al-sahur? Combien y avait-il entre l'adhan et le sahur? Il y avait combien de temps entre ce repas-là et l'adhan du Fajr? Zayd ibn Thabit lui a répondu, radiallahu anhuma, Qadr khamsina aya. Le temps de lire 50 versets. Le temps de lire 50 versets. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Il y a beaucoup de sagesse dans tout cela. Parmi ces sagesses, l'obtention de la bénédiction. Et la bénédiction se remarque dans beaucoup de choses. Et Allahu A'lam, ce qui est caché auprès d'Allah Azza wa Jal comme sagesse et trésor dans ce repas. Mais ce que les gens de science citent, ils disent que, premièrement, imtithalu amrillahi wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Wa hal il baraka illa fi dhalik. Premièrement, le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son messager. Et est-ce que la bénédiction réside dans une autre chose si ce n'est cela? Obéir à Allah et son messager, répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jalla et de son messager. Ceci est la baraka. Ceci est la baraka. Donc, en prenant ce repas, tu vas atteindre la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Mais ça, c'est la baraka. Ça, c'est le bien. Ça, c'est le concentré de bienfaits divins qu'Allah met dans une chose. Subhanahu wa ta'ala al-karim al-jawad. Deuxièmement, tu vas prendre des forces pour pouvoir jeûner ce jour et les enchaîner. Troisièmement, tu vas enlever la lassitude en coupant le jeûne par un repas. Ainsi, tu n'observeras pas de lassitude, ni de lourdeur extrême. Tu vas aussi renforcer ton corps pour les adorations, pour la lecture du Coran, pour la prière de nuit. Et tu montreras aux gens la bénédiction, la rahma, la pitié qu'il y a dans cette religion, et que le jeûne n'est pas là pour sentir la difficulté ou pour torturer la personne, non. Mais c'est pour atteindre la piété. La piété. Voici quelques sagesses du repas. Ajoutez à cela que la personne sera réveillée au moment de la descente divine. Car dans le hadith d'Abu Huraira Mutawatir, Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde et dit: qu'est-ce qui me demande afin que je lui donne? Qu'est-ce qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Ben toi, en te levant à ce moment-là, tu seras réveillé, tu pourras donc invoquer Allah Azza wa Jal dans tous tes besoins de ce bas monde et de l'au-delà. Tu pourras lui demander pardon. Nous pourrons lui demander pardon pour nos fautes et nos péchés. Donc c'est une grande bénédiction d'être réveillé pour ce repas. Ajoutez à cela le fait de prier le Fajr à l'heure. Le fait de prier le Fajr à l'heure. Et certes, si la mosquée est fermée, ou les mosquées sont fermées, cela n'empêche pas la prière en groupe à l'heure, en famille. Cela n'empêche pas la prière en groupe à l'heure, en famille. Naam, l'homme prie avec l'épouse. Et s'il y a des enfants qui ont dépassé la tamise, ils prient ensemble. Barakallahu fikum. L'homme se place, ou celui qui préside la prière, l'homme ou l'enfant, parmi les garçons, se met devant, sachant que la femme ne peut présider la prière. La fille ne peut présider la prière, donc l'homme se met devant. S'il y a plusieurs garçons, ils se mettent derrière lui, puis les femmes se mettent derrière les garçons. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il y ait deux hommes, ou un homme et un garçon. Puis des femmes. À ce moment-là, l'homme se met devant, le garçon se met à sa droite. Puis les femmes se mettent derrière, en ligne ou en rang. Le troisième cas de figure, qu'il y ait un homme et des femmes. À ce moment-là, il se met devant et les femmes derrière. Le dernier cas de figure, c'est qu'il y ait que des femmes. Qu'il n'y ait que des femmes. À ce moment-là, elles se mettent en rang et la femme se met au milieu du premier rang ou se met dans le premier rang. Naam. Dans le cas où il y a un enfant qui a atteint l'âge du discernement, mais il ne sait pas encore prier, comment vont-ils faire? Ben, ceux qui savent prier vont l'orienter. Il ne pourra pas diriger la prière vu qu'il ne sait pas prier, mais la femme va lui montrer comment prier, lui dire comment prier. Dans ce cas-là, il peut même prendre une feuille sur laquelle il écrit ce qu'il faut dire. Barakallahu fikum. Dans le recueil de l'imam muslim, Abu Atiyah, rahimahullah, dit: Dakhaltu ana wa masrouqun ala Aisha radiallahu anha, faqala laha masrouq. Abu Atiyya a dit, je suis entré moi et ma soruq. Je suis entré avec ma soruq chez Aïcha radiallahu anha. Ma soruq lui a dit, il y a deux hommes parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous deux yani, sont dans le bien. Mais l'un d'entre eux, l'un des deux, s'empresse de rompre le jeûne et de prier le Maghrib. Et le deuxième retarde la rupture du jeûne et la prière du Maghrib. فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله أي ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. مسروق أدي عائشة رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. Donc Abdullah Mada Masruq a demandé à Aïcha qu'il y a sur deux compagnons du prophète alayhi salat wa salam dans le bien, mais l'un des deux s'empresse de rompre le jeûne une fois le Maghrib arrivé et de prier la prière du Maghrib. Le deuxième retarde ces deux choses-là. Aïcha a dit, qui est-ce qui s'empresse de rompre le jeûne et de prier le Maghrib? Masruq a répondu Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Aïcha a donc dit, c'est ainsi que faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette éducation de Aïcha et le comportement tabi'un. Tabi'un revenait vers les gens de science. Et Aïcha était une femme savante, une des femmes les plus la plus savante au monde. Et une des femmes parmi les compagnons les plus savantes. Donc il revenait à elle. C'est ainsi que génération après génération, les musulmans ne cessent de revenir aux gens de science. Ne cessent de revenir aux plus savants. Et sinon, ils n'arrivent pas, alors ils reviennent à leurs élèves. Tout comme ils sont revenus à Aïcha radiallahu anha après le décès du prophète sallam. Et tout comme ils revenaient à Aïcha lorsqu'ils ne trouvaient pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi que nous devons être avec nos savants contemporains. On ne dit pas comme certains disent, ceux qui veulent couper le lien entre les savants et la communauté. Ils disent, je ne prends que des anciens, je ne prends que dans les livres. Non, ceci n'est pas la sunna que nous avons héritée des compagnons. Mais chacun doit revenir aux savants de son époque, en plus d'étudier ce que les savants de l'époque enseignent comme livre des anciens. Comme livre des anciens, car il ne fait aucun doute que les anciens étaient plus savants et comprenaient mieux la religion. Plus on est proche du prophète sallam, plus on est versé dans la science et dans la piété. Mais on ne peut se passer des savants contemporains, car ce sont eux qui vont nous faire comprendre les paroles des anciens. Barakallahu feikum. Et remarquez le comportement de... Donc tout comme ces deux-là sont revenus à Aïcha, sont partis chercher la science, sont partis questionner. Naam. Et là, ils questionnent sur l'action de savant. Ainsi, on peut questionner un savant sur la parole d'un autre savant, sur l'action d'un autre savant, sur la divergence entre les savants. Cela n'entre pas dans le mal, contrairement à ce que les ignorants peuvent penser. Qu'à partir du moment où le savant a fait une chose, c'est forcément que c'est bon. Et c'est forcément qu'il n'y a aucune erreur. Non, ceci est de l'exagération dans la considération des savants en islam. En islam, le savant n'est pas infaillible. Le savant est sujet à la faute, même si la plupart du temps, il ajuste. Même si la plupart du temps, il ajuste, mais ça n'empêche pas de demander sur les preuves. Puis les gens dans cela se distingueront entre ceux qui auront la bonne intention, qui voudront apprendre et copier le prophète sallam, mais ceux qui cherchent les fautes et à faire tomber les gens de science. Mais cela n'est pas faisable en réalité. Car celui qui peut faire tomber la personne et élever la personne, ça n'est qu'Allah Azza wa Jal. L'homme, par lui-même, il fait les causes. En faisant le bien, il s'élève chez Allah. Et en faisant le mal, il se fait tomber lui-même. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le fait de ne pas être touché par le fanatisme et le fait de ne pas tomber dans l'autre forme d'extrême. Mais de considérer les gens de science, d'aimer les gens de science, de leur donner un haut rang. C'est le rang qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Le prophète alayhi salat wa salam l'a manifesté, mais on ne tombe pas dans l'exagération, à un point tel qu'on observe, lorsqu'on observe des fautes, certains déclarent la guerre à qui dira ceci est une faute. Les savants ont exposé cette faute, ont démontré cette faute, ont apporté les preuves de cette faute. Certains viennent jusqu'aux mains en se disputant pour un savant. Certains en arrivent jusqu'au divorce, iyadhan billah. Et certains arrivent jusqu'à madha, faire l'alliance et le désaveu pour cette personne. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tout ce monde-là pense être en conformité avec la sunna, alors que ça n'est que fanatisme et héritage des gens du livre et des gens de la jahiliya. Non, l'islam c'est le juste milieu dans toutes choses. Wa billahi at-tawfiq. Ainsi Aïcha radiallahu anha les a rattachés à la sunna. Observez sa réponse. Elle n'a pas dit directement un tel ou un tel, mais elle a dit c'est ainsi que faisait le messager d'Allah. Pourquoi? Pour leur faire aimer la sunna, pour leur montrer qu'est-ce qui démarque les deux. Pourquoi c'est un tel qui a raison plus que l'autre? C'est parce qu'il est en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salat wa salam. C'est pas parce que c'est lui, non. C'est parce qu'il est en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salat wa salam. Ainsi, il convient de faire aimer la sunna aux gens, la sunna aux enfants. On leur dit, on fait comme cela parce que le prophète, alayhi salat wa salam, faisait ainsi. On fait aimer à l'épouse la sunna du prophète, alayhi salat wa salam. On lui dit de faire ainsi, car le prophète, alayhi salat wa salam, faisait ainsi. Une question qui se pose, donc on a mentionné comme sunna, recommandé, as-sahour, le repas de la fin de la nuit. On a mentionné le fait de manger des dattes. Le fait de retarder ce repas vers la fin de la nuit. Et de s'empresser à couper le jeûne une fois que le soleil s'est bel et bien couché. Dans certains calendriers, on observe la mention imsak pour le mois de Ramadan. Donc il y a 5 prières, tout comme dans les autres mois. Mais pour le mois de Ramadan, il y a 6 colonnes sur les calendriers, sur certains calendriers. Et ils ajoutent la mention imsak, la retenue, c'est-à-dire qu'il y a l'heure du Fajr et avant l'heure du Fajr, ils disent qu'il faut s'arrêter de manger et de boire. Est-ce que ceci est correct? Est-ce que ceci est dans le Coran ou la Sunna? Est-ce que ceci a été mentionné par les compagnons? Non, ceci n'est pas correct. Ceci n'est pas correct car c'est en contradiction avec la parole d'Allah dans le Coran. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir du fajr. Donc, on a le droit de manger et de boire jusqu'à la venue, l'apparition du Fajr. Jusqu'à l'apparition du Fajr. Donc il n'y a pas de délai. Certains disent qu'il faut attendre, qu'il faut s'arrêter 20 minutes en avance, d'autres 30 minutes, d'autres 15 minutes. Non. La personne a le droit de s'arrêter jusqu'au Fajr. De manger et de boire jusqu'au Fajr. La deuxième remarque, c'est que lorsque nous mangeons et nous buvons dans ce repas de la fin de la nuit, certes c'est pour avoir des forces, pour la prière, pour le madha, pour entamer cette journée de jeûne, pour faire des adorations, lire le Coran et autres. Certes. Certes c'est parce que nous ne voulons pas trop ressentir la faim et la soif. Et j'en passe. Mais il faut garder en tête, il faut garder dans notre cœur que l'intention première, c'est d'atteindre la sunna du prophète alayhi salat wa salam. C'est de suivre l'ordre recommandé du prophète sallallahu alayhi wa salam. Ainsi, lorsque la personne mangera et boira, elle aura une plus grande récompense de par la force de son intention. Une autre question à ce sujet. Que doit faire celui qui prend son repas du matin? Et alors qu'il est en train de prendre, pas du matin, de la fin de la nuit plutôt, il prend sahur, il y a l'adhan. Que devra-t-il faire? Est-ce qu'il arrête de manger et recrache ce qu'il y avait dans sa bouche? Est-ce qu'il peut poursuivre? Et si la table est mise, est-ce qu'il peut commencer le repas? Pour ne pas faire de gâchis, par exemple? Ou pour ne pas avoir trop faim dans la journée? Que devra-t-il faire? Ça dépend, est-ce qu'il a commencé le repas? Ou est-ce qu'il n'a pas commencé à saisir la boisson? Il y a un hadith dans le recueil de l'imam Abi Daoud, rahimahullah. Selon Abu Hurayrata, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iza sami'a ahadukum nida' wal ina'u ala yadih, fala yada'hu hatta. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, écoutez bien ce hadith. Lorsque l'un d'entre vous entend l'appel à la prière, alors que le récipient est dans sa main, qu'il ne le repose pas jusqu'à ce qu'il finisse son besoin face à celui-ci, qu'il boive à satiété, qu'il boive jusqu'à avoir fini ce qu'il voulait à la base. C'est-à-dire que ça dépendra du moment, ou bien de l'action au moment où il y aura l'adhan. S'il s'est saisi de la nourriture, s'il est on va commencer par la boisson, s'il est en train de boire, s'il a le récipient dans sa main, s'il a déjà commencé cette action, le prophète, alayhi salatu wa salam, lui dit qu'il peut finir. Il peut finir. D'accord. Dans le cas où c'est posé sur la table, dans le cas où il est allongé dans son lit, il voit que c'est l'heure. Est-ce qu'il peut se lever, courir dans la cuisine, prendre de l'eau, prendre une date? Non. S'il n'a pas commencé, il n'a pas le droit de commencer. Et s'il a commencé, il a le droit de finir. Je répète, s'il a commencé, il a le droit de poursuivre et finir. Et s'il n'a pas commencé, il n'a pas le droit de commencer. Là, nous parlons de la boisson. Qu'en est-il de la nourriture? Pour la nourriture, certains disent que c'est le même jugement que la boisson. C'est le même jugement que la boisson. S'il a commencé, il peut finir. S'il n'a pas commencé, il n'a pas le droit de le faire. Donc la condition au final, c'est quoi? C'est d'avoir commencé. C'est d'avoir commencé, d'avoir la chose en main. D'avoir la chose dans sa main. Barakallahu fikum. Parmi les choses recommandées durant le jeûne, il y a al-fitr. Il y a le fait de couper le jeûne avec des dates fraîches. Le fait de couper le jeûne avec des dates fraîches. Fa'il lam takun fatamarat. S'il ne trouve pas de date fraîche, les dates fraîches, c'est comme, il y en a parmi les plus connus, les soukari. Naam. Ou les dates, il y en a en général les dates qui se vendent, les dates d'Algérie. S'il n'en trouve pas, alors des dates sèches. La différence sera évidente dans la texture, dans la vision, même dans le goût. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَّ حَسَوَاتٍ مِنْ مَا. S'il n'en trouve pas, alors il boit quelques gorgées d'eau. La preuve de cela est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu an, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُفْتِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَّ حَسَوَاتٍ مِنْ مَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rompait le jeûne en mangeant quelques dates fraîches avant de faire la prière. S'il n'en avait pas, alors des dattes sèches. S'il n'en avait pas, alors il buvait quelques gorgées d'eau. Ça, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans le cas contraire, il peut couper avec ce qu'il veut. Il peut couper avec ce qu'il veut. De licite, bien évidemment. Parmi les sunan, al-iktharu min at-ta'at. Parmi les sunan dans Ramadan, dans le mois de Ramadan, et en état de jeûne, le fait de faire beaucoup de bonnes actions. Parmi les sunan, le fait de faire rompre le jeûne aux gens, de leur offrir de la nourriture, de faire des sadaqat et des cadeaux, afin que les gens rompent le jeûne de ce qu'on leur aura donné et offert. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que celui qui man fattara sa'iman, celui qui fait rompre le jeûne à un jeûneur, falahu mithlu ajri, il aura la même récompense que lui. Il aura la même récompense que lui. Parmi les sunan, le fait de faire beaucoup de dua. Le fait de faire beaucoup de dua. Au moment de rompre le jeûne, mais aussi dans la journée de Ramadan. C'est pour cela que dans les versets du jeûne, il y a le verset « وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. « وَجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَانِ » Donc Allah Azza wa Jal répond aux invocations. Et dans les versets du jeûne, il nous mentionne être dua. Donc il faut faire dua le matin, le soir, pendant les prières, avant le taslim, lors du dernier tashahoud, dans sujoud, dans la journée, prendre un moment, se mettre en condition et faire dua, demander à Allah Azza wa Jal, chaque jour dans l'année, mais particulièrement dans le mois de Ramadan, jour et nuit. Parmi les les paroles rapportées, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. Au moment de rompre le jeûne. Naam, mentionner que la soif est partie, que les veines se sont remplies et que la récompense est effective si Allah le veut. Le fait de dire à celui qui nous importune « Inni mru'un sa'im » ou bien « Inni sa'im »« Je jeûne ». Donc si une personne, le prophète nous dit, celui qui nous insulte ou nous combat, il faut lui répondre « Inni sa'im »« Je suis un jeûneur ». C'est-à-dire qu'on l'informe que nous sommes dans un état qui ne va pas avec ce mauvais comportement. C'est pour cela qu'on ne peut lui répondre. On ne peut lui répondre, même si c'est permis de rendre la monnaie de la pièce. Nous, on cherche un état supérieur à cela. Le jeûneur préserve son jeûne. Il s'élève au-dessus de la dispute, de la chamaillerie. Il préserve le caractère sacré de son jeûne, de son adoration. Alors, il lui répond, « Nisaim ». Deuxièmement, il va préserver ainsi son honneur. C'est-à-dire, ce n'est pas par faiblesse si je ne te réponds pas. C'est par noblesse. C'est par noblesse. C'est pour préserver mon jeûne. Pour préserver mon jeûne. Parmi les sunan, le fait de prier les nuits du mois de Ramadan. Faire qiyamul layl, qu'on appelle salatul tarawih. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Une énorme récompense. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Pardonner ses péchés passés. Falhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyam. Ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Jawad, ya Karim, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide tous. Et nous accorde assistance afin de prier les nuits de Ramadan et de jeûner ces jours. Parmi ce qui nous montre le fait de faire beaucoup de bonnes actions dans le mois de Ramadan, et particulièrement la générosité et la lecture du Coran. La générosité et la lecture du Coran. Le hadith de Abdullah ibn Abbas, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana ajwadun nas. Kana ajwadun nas bil khayr. C'était le plus généreux des gens. C'était la personne la plus généreuse avec le bien. Il donnait, c'était celui qui donnait le plus, qui était la plus généreuse. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Et le moment où il était le plus généreux, bien qu'à la base il l'était, c'était dans le mois de Ramadan. Hina yalqahu Jibril, lorsque Jibril le rencontrait. Wa kana Jibril alayhi salam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan. Et Jibril le rencontrait chaque nuit dans le mois de Ramadan. Hatta yansarikha, jusqu'à ce que le mois de Ramadan disparaisse. Ya'ridu alayhi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an. Ya'ridu alayhi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an. Donc il révisait le Qur'an. Il lui récitait le Qur'an. Fa'idha laqiyahu Jibril kana ajwada bil khayri min ar-rih al-mursala. Lorsque Jibril le rencontrait, il était encore plus généreux. Le prophète sallam est encore plus généreux que les vents annonciateurs, ni que les vents qui poussent les nuages et amènent la pluie, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc on voit que le mois de Ramadan est un mois de générosité et un mois de lecture du Coran. Ces trois choses-là, avec la prière, sont les quatre points à développer au maximum dans le mois de Ramadan. Le jeûne, la lecture du Coran, la prière et les actes de générosité. De générosité, certes, avec l'argent, avec la nourriture, et aussi avec la propagation de la science et l'aide qu'on peut apporter aux gens de la communauté. Parmi les choses recommandées, le fait de faire des efforts dans les 10 dernières nuits. Particulièrement. Le prophète alayhi salatu wa salam, kana ajtahidu fil ashr al awakhir ma la ajtahidu fi ghayri. L'imam Muslim, le hadith d'avant est dans le Bukhari Muslim, mais celui-ci dans les recueils d'imam Muslim. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faisait des efforts dans les 10 dernières nuits qu'il ne faisait pas ailleurs, qu'il ne faisait pas à d'autres moments. Et le fait de passer la majeure partie de la nuit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et la prière. Aïcha radiallahu anha nous dit, et de là on comprend le mérite des épouses du prophète alayhi salatu wa salam, car elles nous ont rapporté des choses de la vie du prophète alayhi salatu wa salam qui est nécessaire à la communauté pour l'adoration d'Allah, des choses du foyer et ainsi de suite. Bien que la base soit que ce qui est à l'intérieur du foyer reste dans le foyer, ce qui est à l'extérieur du foyer reste à l'extérieur. Sauf nécessité ou cas de force majeure. Mais là, il y a une nécessité, c'est la propagation de la science et du bien. Et le fait qu'on puisse prendre le prophète alayhi salatu wa salam pour exemple. Aïcha nous dit donc, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وإيقظ أهله وجد وشد مئزر وشد المئزر. Imam Bukhari Muslim nous rapporte que Aïcha radiallahu anha dit, lorsque les 10 dernières nuits entraient, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit réveillé. Passait la nuit réveillé. Et réveillait sa famille. Réveillait sa famille. Faisait des efforts et serrait le pagne. Serrait le pagne, c'est-à-dire il ne commerçait pas avec ses épouses, et d'autres ont dit, c'est-à-dire il faisait énormément d'efforts. Et les deux sont avérés. Parmi les sunan, lorsque l'on recherche la nuit de Laylatul Qadr, le fait de rechercher Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits, en faisant des efforts dans le dua, dans l'adoration d'Allah, dans la prière, et invoquer Allah Azza wa Jal, en disant Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni. On recherche Laylatul Qadr et on dit cette invocation. Car Aïcha radiallahu anha a dit, ô message d'Allah, vois-tu si je pense savoir que je suis dans Laylatul Qadr? Que devrais-je dire? Que m'enjoins-tu de dire? Il lui a dit, Allahumma innaka afu, ou Allah tu es absoluteur, tuhibbul afwa, tu aimes absoudre, ou l'absolution des fautes, fa'fu anni, absous donc mes fautes. Le fait de beaucoup demander pardon à Allah Azza wa Jal à la fin de la nuit, wabil ashari hum yastaghfirun, après avoir prié la nuit, fait des adorations, le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, ça n'est pas possible, mais on le citera pour information, la umra tu fi ramadan, le fait de faire la umra dans le mois de ramadan, c'est la meilleure umra de l'année. Il faut aussi encourager les enfants à jeûner et les habituer, à condition qu'ils supportent cela, qu'ils supportent cela. Pour finir, il faut un grand effort dans la lecture du Coran. Il faut un grand effort dans la lecture du Coran, car c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Et cela fera l'objet, incha'Allah ta'ala, d'une conférence à part. D'une conférence à part. Barakallahu fikum. Et je vous rappelle un hadith. Thalathun la turaddu da'watuhum. Wa minhum as-sa'imu hina yuftir. Donc, il y a plusieurs hadiths, certes comprenant des faiblesses dans la chaîne de transmission, comme l'issa'imi da'watun la turad, ou l'issa'imi inda fitri da'watun la turad, comme le hadith rapporté par Tirmidhi ibn Majah, inna l'issa'imi inda fitri da'watan la turad, ou plutôt thalathun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hina yuftir wal imam al-'adil wa da'watu al-mazlum. Mais des savants ont dit que tout cela montre que ce hadith a une base et donc que c'est avéré le fait de faire du'a pour, de manière générale, ça, il n'y a pas de problème à cela, mais au moment de rompre le jeûne. Au moment de rompre le jeûne. Barakallahu fikum. Il me semble avoir terminé sur ce sujet. Et demain, incha'Allahu ta'ala, on mentionnera les choses interdites durant la journée de Ramadan, les choses détestables, ainsi que des choses permises que les gens pensent être interdites. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puisse Allah Azza wa Jal récompenser tous ceux qui m'ont contacté par mail et par d'autres moyens pour s'entraider afin d'aider ceux qui sont dans le besoin, nourrir des pauvres, que ce soit avec de la nourriture ou financièrement. J'ai eu beaucoup de retours. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, qu'il nous pardonne et vous pardonne, et bénisse nos biens et les vôtres, et accepte notre jeûne et le vôtre, nos prières et les vôtres. Et on a vu beaucoup d'engouement et de motivation. Jazakumullahu khayran. Prochainement, bi'idhnillahi azza wa jal, le groupe Telegram sera mis en place et il y aura plus de facilité pour la communication. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.